là ça glisse trop. Mais genre ça me fait mal. Je me casse. Attends, regarde-moi. Regarde-moi. Non. Attends, mais regarde. Je me calme. Attends, je vais y aller. C'est moi. Ah ben, moi, je vais y aller quand ça serait fait. Ça fait peur? Attends, hein? J'essaye. Ça fait pas peur? On doit atterrir droit. J'arrive à être droit. Je vais pas finir avec toi. Wesh. Le truc il est pas bien fixé. Il y a un rond. C'est grave. Non, mais là c'est ma question. Attends, t'avais dit on fait un autre arrivé. Voilà, descends, elle est facilement. Non. Attends, j'ai fait. regarde-moi. Non, par là-bas. Mais si on regarde. Mais ça va pas, je vais tomber sur toi. Un jour j'ai réussi. Enfin, on fait un droit arrivé. C'est compliqué. Un, attends, deuxième pont. Et deux. Mais pas le pied. Mais pas le pied.